Gérard, mon Star System, c'est ça. Il était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bon, c'est le débat sur la timidité. Donc, on va accueillir Séverine, 18 ans, de Fontainebleau. Alors, bonsoir, va, Séverine. Allô. Allô. Ça va? Je sais pas, j'ai pas regardé ce matin. Ah, super, Gérard. Ça commence sur les starting blocks. Ah, ouais. Trop fort. Gérard, on va accueillir Tony. Ouais, salut, Gérard. Tony. Salut, gros gourou. Comment vas-tu? Je sais pas, j'ai pas regardé ce matin. Ah, putain, je le savais. Je suis à fond timide. La Sincamia. Arrête de chanter, Gérard, sérieux. Ouais, c'est un débat, c'est sérieux là. Hein. Ouais, Gérard, c'est sérieux, donc tu bon, te concentres un Laetitia. Peu. Laetitia. Pour une fois, on déconne pas et tout. Laetitia, pour toi. Pour moi, eh ben moi je. Voilà, je vais prendre nu alors qu'on s'amuse derrière mon dos. Non, alors, moi, si je suis un. Gérard, moi. Hey, qui c'est qui s'amuse là? Mais je sais pas, on les a tous enlevés un par un. Ouais, Gérard, Julie les a tous enlevés un par un. J'ai vérifié un par un, j'aurais demandé. Ouais. Non, c'est moi, tu m'écoutes? Hey, la deuxième question. Oh oui, grand fou! Putain, mais c'est quoi ce bordel là? C'est la technique. Ouais, mais ça se voit que c'est des vacances, hein. Ouais, quand même, hein. Mais c'est fini les vacances, hein, je te le dis au passage, Gérard. Non, c'est pas fini pour tout le monde. Il y a Rocco sur Minitel qui dit qu'en fin de compte, c'est la Simcamille qui prend Gérard nu. Non, mais attends, Rocco sur Minitel, ta Simca, tu. On a une bonne nouvelle. Je vais péter ta réponse. On a une bonne nouvelle à vous annoncer. Bon, voilà, donc, je suis assez timide. Ouais. C'est vrai, Tony? Ouais, très très timide. Hein, incroyable. Je suis très. Est-ce que, par exemple, il y a les filles qui m'écoutent, là? Il va t'attraper, je t'en foutras partout dans la team Camille. Carrément. En parlant de ça. Filles, là, on va prendre la cisque. J'ai une deux pattes. Il va t'attraper, je t'en foutras partout dans la team Camille. Il y a Toto qui demande si Gérard prenait Christine nue dans la team Camille. Non. Alors je réponds tout de suite à Toto, non, la team Camille n'aura pas supporté. De manière, la team K, elle supporte pas Christine. Hein. Non, c'est méchant. Je te prendrai nu. Non, mais il paraît que Christine, elle crée de plaisir, tout ça, dans la team Camille, mais en fait, elle est assise sur le levier de vitesse. Est-ce que c'est non, mais c'est bon, tu laisses Christine nous caler, d'accord? Ouais, tu la laisses où elle est. Ah, elle a calé, Christine, mais tu la laisses vraiment. Ouais, mais elle a calé. La voiture à la casse. Ah ouais, ok. Ouais, c'est quoi, c'est une image, la voiture c'est toi, c'est ça? Ah non, mais moi, c'est pas moi l'image. Hein. Ah bon? Ouais, non, toi t'es que... Toi t'es un hologramme, Gérard. Bon, allez. Bon, Tony, fais péter. Arrête. Ouais, donc voilà, je suis assez timide et donc... Ah, on est... 36-15, Scott Fun Radio, rubrique. 36-15, Fun Radio, rubrique direct. Et donc on va récupérer... On va récupérer toute la bande là. T'es trop un animateur né, quoi. Comment? T'es trop un animateur né. Fun Radio, le meilleur mixte. La vieille pub. Maintenant, Non, mais c'est bon, on passe quand même à la deuxième question. La Fun Force de Gérard. Fun Force, c'est pas moi qui fais la Fun Force, ah d'accord bon. Arrête. Gérard, ce serait plutôt la femme naze, quoi, mais en gros. Non, mais c'est bon, merci pour celui qui vient de dire le beauf. Merci, Tony. Hein? Ah non, c'est pas moi. Merci, Tony. Non, mais de toute manière, n'ayez crainte, je reconnais n'ayez à peu près les voix. Tu sais que c'est français, ça, comme phrase? Bon, allez, on y va pour la deuxième question. Donc, êtes-vous timide avec les filles? Alors, dans ce cas-là, Tony, comme t'es une grande gueule, on va y aller. On va y aller, Tony. Allez. Bon, allez, on y va, dépêche un petit peu. Moi, c'est très rare que j'aille vers elle, quoi. J'attends qu'elle vienne vers moi, donc comme elle vient jamais... T'attends que... Non, pas du tout, moi je suis une beauté fatale, moi. T'es une beauté. Je suis un beau gosse, je suis marrant, j'ai tout pour moi, intelligent, et en plus, je suis modeste, donc voilà, quoi. Non, mais dans ce cas... Tony. Oui. Tony. Oui. Dans ce cas-là, t'attends que la nana vienne à tes pieds. Ouais, voilà, exactement. Dégages, on est totalement en osmose, Gérard. Non, mais moi, j'ai osmose, dit une chose. Que... Non, non, mais c'est pas moi qui ira... à la rigueur, peut-être que je serai le premier port pour quelqu'un. Mais aller me mettre à genoux devant une nana, je pense pas pour lui dire, je t'aime, tout ça, non. Parce que Gérard, sur Minitel, justement, il y a des gens qui demandent, il y a beaucoup de gens qui demandent, et Delphine, Julie vient de me le dire au standard aussi. ils sont timides, il faudrait que tu leur donnes des conseils pour se décoincer, pour aller voir les filles. Non, mais ça, tout le monde attend les conseils de Gérard. Non, mais ça, c'est ça. Voilà, les conseils non, mais attendez. Même Rocco qui dit que tu es à la radio, ce que Guy Lux est à la télé. Non, mais non, ça, c'est bien. C'est un peu la maïté de Fun Radio. Non, merci. C'est sa putain de Casimir de faire. Non, mais alors, là, je vais vous dire une chose. Si vous commencez à jouer comme ça, ouais, ce simple pas. Débat, il va s'arrêter. Non, on veut des conseils. Non, mais moi, je vais vous dire une chose. Je suis pas le Casimir. Je suis pas le Casimir. Je suis pas le Maïté. C'est Gérard, c'est tout. Gérard, t'es super. Non, mais attendez. Moi, je vais quand même. Mireille Dumas, tu te tais, tu nous donnes tes conseils. Voilà. Non, mais Gérard, manière, moi, je vais vous prévenir d'une chose. Je suis pas comme certains qui ont rien à dire. Moi, on me demande de venir, je viens. Maintenant, on me demande de venir pour faire des débats et des libres antennes. Ouais. Je suis là. Donc maintenant, je vous demande une question. Ouais, poser une question. Donc maintenant, vous allez répondre chacun mon tour. Non, Gérard, on te demande des conseils. Tout le monde t'écoute. Moi, je vais vous dire. Non, mais attendez, maintenant, je vais vous répondre. Moi, je sais que je suis assez timide. La première fois. Ouais. Ah bon. C'est pour vrai, aller voir la fille, je suis c'est-à-dire timide. Que la première fois, il n'enlève pas ses chaussettes. Ouais. Non. La première fois, je suis timide pour aller faire un bisou à une nana, ça c'est vrai. C'est vrai ? Oui. Bah oui, je confirme. Amuse-toi. Oui. Ouais, c'est Jean-Luc là. Ouais. Bon, là, t'as dit que la première fois, t'étais timide avec les filles. Oui. Mais bon, tu fais rien quoi, la première fois, tu t'arrives même pas à discuter, si ? Très rarement. Le problème. Mais alors, la deuxième fois que tu vois la fille, tu lui as toujours rien dit, donc tu restes toujours à la même position, normalement. Non, justement, parce que comme. Non, je pense pas. Est-ce qu'on peut pas faire semblant ? Non, bah, hé. C'est vrai. Non, en fin de compte, je pense qu'il suffit d'avoir confiance en soi et ça va mieux. Non, mais attends, c'est qui là qui me parle ? Courage à demain. C'est qui là qui parle ? C'est moi. Non, mais donnez vos noms. C'est Laetitia qui vient de parler. Ah, Laetitia. Laetitia, c'est celle qui rougit. Ouais, d'accord. Qui rougit, bon, Séverine. Ouais, Loralaï. Loralaï, réveille-toi, s'il te plaît. Oui, bah j'écoute. Non, mais je viens de te poser la question, tu me réponds. Eh ben, j'ai répondu. T'as répondu, j'ai dit que comment ça s'oublie pas, que si on est timide, on est timide, on peut pas, même si on veut pas le laisser faire paraître, c'est obligé que quelque part ça se verra, quoi, parce qu'on a un manque de dialogue ou. Ouf. On est timide, ça. Non, mais attends, Loralaï. Est-ce que t'as bien, par exemple, si par exemple, pour la première fois, tu rencontres quelqu'un, t'habites à 3. Voilà. Hein? Ou à 4 ou à 5. Non, ben c'est bon, attendez. T'habites à 3. T'as rendez-vous avec quelqu'un. Oui. Est-ce que pour la première fois, oui. Ou même maintenant, tu l'as vu pour la première fois, là, est-ce carrément. Que tu vas l'oublier? Ouais, mais 3, c'est un mauvais exemple. Il y a des bouffons, c'est comme en Bretagne. C'est comme les Bretons. Ouais, c'est comme les gars sur Rennes, les Parisiens. 3 sur Rennes, même combat. Ouais, les Troyens, c'est bon, hein. Bon, Fontainebleau, Séverine. Ouais. Ouais. Séverine, alors pour toi. Ouais. Non, j'ai dit Séverine, j'ai pas dit un cum. Ouais. Bon, Séverine. Ouais. Non, mais en fin de compte, si t'as des. En fin de compte, quand t'es timide, c'est parce que t'as peur. Donc, Ouais. Il suffit bien que t'as peur. Ouais, je crois qu'il faut rechercher tout ça dans ton passé, hein. Non, mais je crois que c'est un problème avec le néocortex carrément sous le bulbe rachidien. Non, je crois que là, tu pourvois, hein, parce que c'est plus. Attendez, moins vite, Gérard ne comprend pas tout. Non, mais là, je pense que. Là, ce que. De la 4, on passe à la 5, comme personne ne veut répondre. Mais si tout le monde répond à la 4. Je voudrais bien répondre à la 2. Mais non, mais Séverine, elle ne m'a pas répondu parce que tout le monde a parlé derrière. Bon, alors, pourquoi êtes-vous timide ? Ah ! Je t'attendais bien à ce moment-là. Normalement, j'aurais dû la passer en 6. Quelle surprise ! Pourquoi êtes-vous timide ? Jean-Luc ! Vas-y, Jean-Luc ! Ouais, bah alors, tu vois, c'est tout simple, en fait, parce qu'on parle d'un système hypothalamo-hypophysaire qui sécrète des hormones. Ouais. Des hormones qui arrivent carrément sur les synapses post ou pré-synapse. Gérard, fais pas comme si tu comprenais tout. Ouais, mais c'est bon, de toute manière. Je m'attendais à la cinquième. Je sais qu'on va partir sur le cul. Ah bon? Donc, je m'attends à toi avec vous. Alors, on y va. Attends, qu'est-ce qu'il est. Quand est-ce qu'il est parti sur le cul, là, Gérard? Non, mais attends, là, c'est bon. Là, comme ils sont partis, toi, on, sait qu'on, on sait que t'as le cerveau dans la culotte, mais quand même. Non, mais je pense que là. Je dirais plutôt que c'est la culotte qui est dans le cerveau. Ouais, hein, c'est ça, t'as raison. T'as raison, mon pote. Allez, continue. Allez, on y va. Allez, je vous écoute. Ouais, Jean-Luc, allez-y. Donc, Jean-Luc, fini. Attendez. Là, je vais vous dire une chose. Vas-y. Vous voyez, là, on déconne parce que ça va être les vacances. Ouais. Mais là, celui qui vient de dire ça. Mm-hmm. Maintenant, vous êtes prié de dire votre nom au fur et à mesure. Bah, c'est Tony, mais c'est sorti tout seul. Ah ouais, Tony. Ouais, mais bon, tu connais ce problème. Et ouais. Non, mais attends, Tony. Oui. T'es bien gentil, mais. Je sais. Est-ce que tu m'aimes, au fait? Non. Depuis le temps que j'appelle. Non, je t'aime pas. Mais si, quand est-ce qu'on se fait une petite bouffe, là, sérieux? Rien du tout. Avec Françoise et. Non. Mais... Non, de toute manière, tu le sauras jamais. Monsieur. Ok. Non, mais allez, c'est bon. Non, c'est bon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Jean-Luc. Ouais, Jean-Luc. Bon, j'ai pas. C'est bon, on se calme. Les deux trucs qui est charmé avec les pompiers, quand même, c'est que maintenant, tu vois, ils arrivent à avoir des. On se calme. Avec gros camions. Les pompiers avec des gros camions, on se calme. On se calme. Elle est. Et en fait, les calendriers, qu'est-ce qu'on a acheté cette année? Elle est ringarde. Ouais, moi, j'en ai acheté. Eh, les bouffons, là, vous la fermez. Voilà, merci. Et en fait, je voulais juste vous dire un truc, c'est que ça faisait, quand vous avez commencé à parler, ça faisait déjà 30 secondes que vous étiez à l'antenne. Bah, on savait. Non. Ouais, dans ces cas-là, vous fermez vos gueules quand vous êtes à l'antenne. Non, justement, pendant 30 secondes, vous avez rien dit. Bon, alors. Florent, tu mens, Florent. Non, mais ça faisait 30 secondes que je vous disais de fermer vos gueules. Vous entendez? On y va. On va y aller. On va y aller. Vous avez dit. Papon. Là, Gérard, c'est toi qui passe pour un con. Mais moi, je réponds à votre question. Ils ont fait quoi, Gérard? C'est pas une question. Ils ont fait quoi? Papon. Donc, là. Non, mais ça y est, c'est bon. Bon, c'est bon. Donc, si Gérard était pompier, il prendrait feu à cause des vapeurs d'alcool. Voilà. Donc, vous venez d'attendre la compagnie créole et comme ça, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir une surprise en fin de débat. Attention, une surprise. Et donc, si vous voulez toujours nous joindre, il est encore possible 0800 3 08 5000 et 0800 70 5000. Pour les Suisses, 0800 5 40 20 000. Et le Minitel, très important. Le Minitel, Minitel. 3615 4 Radio. C'est radio. Minitel. C'est radio, super. Et sur internet, w/Gérard, mets-moi un doigt dans le fion. D'ailleurs, sur internet, faut pas dire le site Star System. Voilà. Ouais, je sais. Avec la Gérard, on t'attend. Donc. Bon, bah, tu parles si pas. Gérard, là, il n'y a pas de décalage. C'est. Non, là, il n'y en a pas. Donc, on va atterrir à la cinquième question. Atterrissage pour la cinquième question. Non, personne n'a répondu. Pourquoi êtes-vous timide? On a répondu. Non, personne n'a répondu. On a dit qu'on avait peur. C'est la troisième que t'as sauté, Gérard. Bon, alors. Êtes-vous timide pour embrasser une fille ou vice-versa? Question à 100 balles. Réponse à 5 centimes. C'est la première fois qu'on est timide. Alors, allez-y. Bah, vas-y, la fille qui parle. C'est moi, c'est Laetitia. Ouais, vas-y. C'est la première fois qu'on est timide parce qu'on ne sait pas comment va réagir l'autre et comment ça sera et puis tout ça, quoi. Ouais, mais comment ça, comment va réagir l'autre? Ben oui, parce qu'on sait pas s'il va aimer ou si on va apprécier ou quoi. Mm-hmm. Donc je crois que c'est la première fois que c'est le plus difficile. Après, bon, ben, c'est la routine. Ouais, après, tu te démerdes, quoi. Voilà. Après, tu mets la langue et tout, hein. Et tu mélanges. Voilà. Après, bon, on fait notre chose et puis on fait comme ça nous plaît et puis voilà. Laetitia. Oui. Il y en a un, apparemment, qui a l'air d'être vachement au courant. Il met la langue dès le premier, premier c'est jour. Ouais, Gérard, tu m'as grillé. Mais c'est qui? Mais donne ton nom. Gérard, tu mets pas la langue, toi, tu mets. Moi, je fais simplement la bise sur la joue. Attendez. Moi, je vais vous dire, quand j'embrasse une fille, je fais bisous sur la joue. Gérard, c'est pas crédible. Moi, je fais bisous sur joue. Pour Gérard, lui faire l'amour, c'est mettre la main au sein. Donc. Mais moi, de manière, j'ai toujours dit. Non, mais je crois que Gérard. Non, mais moi, j'ai toujours dit. Non, mais moi, j'ai toujours dit, attendez, je me recoiffe un peu parce que je suis décoiffé. Ouais, voilà, merci. Donc, moi, j'ai toujours dit que tant que j'aurais pas trouvé... J'ai perdu ma moumoute. Ah, ouais, j'ai perdu ma moumoute. C'est bête, ça, pour une nana, hein, d'avoir perdu sa moumoute. Non, mais moi, quand j'aurais trouvé une fille... Qu'est-ce que t'as dit, là ? Perdu ma moumoute. Non, mais c'est bon, c'est une auditrice qui vient de le dire un instant, j'ai perdu ma moumoute, c'est pas grave. Manière, c'est les vacances. Ouais, c'est bon, on rigole, là. Allez, on... Allez, qui c'est qui met une petite bière, là? Une petite bière. Allez. Gérard, il y a Xor qui dit de pas parler trop près du micro, ça pue dans ses enceintes. Ouais, c'est bon, ouais, s'il est pas content, il va se coucher. Bah, hier, t'es pas content, tu vas te chier, quoi. Bon, ouais, c'est bon, s'il y en a qui sont pas contents, ils vont voir papa, maman, ils vont prendre la CC, hein. Non, mais s'il y a des jeunes qui nous écoutent, autant qu'ils aillent voir maman. Il y a que des insomniaques à ce parti. Ouais, mais... Bon, oui. Ouais, allez, on continue, Gérard. Donc, moi, tant que pour l'instant, j'ai pas encore... Moi, je fais bisous sur la joue. Non. Ah, si. Ah, si. Gérard. Ah, si. Ah, si. Et il te mord pas le pitbull? Ah non, non, non, mais c'est bizarre parce que j'arrive pas à trouver la personne à qui faire. J'arrive pas à trouver la personne. Non, mais attendez, attendez, et maintenant je vais vous dévoiler ma vie privée. Comme depuis le temps que vous attendez que je vous la dévoile. Ah bah oui, hein. Tiens, vas-y, appelez Voici, là, vite. Ouais, Voici, bon, c'est bon, toi, tu vas te coucher, toi, avec Voici, hein. Voici, voilà, le revoilà. Bon, c'est bon, vous la fermez? Ok, vas-y. Ok, merci. Donc, moi, tant que j'aurai pas de trouver la chose. J'adore le bouffe. T'as très envie de faire un bouffe ce soir, c'est pour ça qu'elle t'appelle. Ah, bah oui, t'es sur Paris, tu peux venir à la radio? Mais oui. Eh bah, ben, tu viens quand tu veux. Dans ce cas-là, oui. Il est 3h01, je t'attends à 3h30. Mais bien sûr, j'ai que ça. Pas de lapin. Et par contre, Gérard. Il y a Virginie qui demande avant de te sucer une couille avec la paille si t'as pas du sperme moisi, si ton sperme n'est pas moisi. Non mais Virginie, c'est en Minitel, t'es gentille, tu laisses ton numéro de téléphone et on te rappelle en direct. Non mais maintenant je vais vous expliquer maintenant je vais vous expliquer comment que je fais moi pour embrasser une fille. Gérard, il met les dents direct. Ah, non, mais avant, je bois un café. Ouais, d'accord. Pour bien puer de la gueule. Un coup de Karcher après. Voilà, un petit coup de Karcher. Pour enlever les restes de nourriture. Voilà. Pour tirer les fausses dents. Parce que ça colle quand même dans les dents. Tu prends des chlorettes. Ah non. Non, je prends des Malboro. Quand on vient de manger du poireau, on prend des chlorettes. Oh non, mais moi j'aime pas le poireau. Ils remplacent les chlorettes par les gitanes sans fil. Voilà. Ou les gauloises ou les maïs. Non mais Et qui c'est qui a mangé des carottes déjà dans sa vie? Moi. Qui moi? Les carottes. Il les avait? C'est bon les carottes. Non mais attendez, et des carottes râpées c'est bon hein? Ouais, avec une bonne petite vinaigrette Maïté. Non mais attendez, vous savez que les carottes ça rend les cuisses roses? Bah oui, les fesses roses. Les fesses roses. Non, les cuisses roses. Les fesses roses. Non, les cuisses roses. Mais non, les fesses, Gérard. Non, mais, mais t'as essayé, Macaille? Qu'est-ce que c'est que t'as essayé? Attendez, 5 minutes, les gars, derrière. T'entends, Gérard? Attends, on se calme. Lacaille va parler. Lacaille, elle parle. On va parler. Sa femme va parler. On laisse parler Lacaille. Voilà. Lacaille, elle bouffe des carottes. Beaucoup de carottes. J'adore ça. Et alors? Prends les fesses roses. Fais voir. Fais voir. Bien sûr. Je vois. Non mais depuis le temps qu'on me dit ouais à la loco ta caille c'est bon tu te la fais. Non, je me fais pas ma caille. C'est de jeux cochons. Au lieu de bouffer des carottes, t'as Virginie qui préférait que tu lui bouffes la moule. Non mais Virginie, tu laisses ton numéro de téléphone, hein, c'est bon. Ça tombe bien puisqu'avec ta frite. Non parce que moi j'aime pas les moules. Bah si avec ta frite. Non mais moi je préfère les carottes. Ah bah parce que les carottes, ça rend les cuisses roses. Les fesses, et ça rend aimable aussi. Et voilà, ouais, ça rend aimable. Et c'est pour ça que tu n'as pas mangé beaucoup. Ouais, et si, clair, et j'adore les carottes râpées. Du vin de carottes, faudrait créer. Non, mais attends, du vin de carottes, l'ascar derrière, tu te calmes. L'ascar. Donc, maintenant, je vais vous dire comment j'embrasse une nana. L'ascar. Bon, c'est bon, l'ascar. Bon, c'est bon, On se calme, hein, on se la coule, hein, ouais. Gérard, il est pisse maintenant et tout. Gérard. Oui, c'est qui là qui me parle? Ouais, c'est qui là? C'est qui là qui me parle? Vas-y, je t'écoute. Gérard, tu veux m'habiter dans le cul, Gérard? Non, mais quand tu veux, moi je t'attends. Hein. Je te prends, moi. Tu me prends comment? Gérard. Ouais, c'est qui là qui me parle? Isabelle, tu me prends comment? Ouais, je te prends, moi, je te mets sur un TGV, je t'attrape. Gérard, est-ce que c'est vrai que tu te mets à quatre pattes sur les maréchaux pour te prendre les PC dans le cul? Mais non, je prends pas le PC dans le cul, moi, j'attrape le PC, je vais vous cacher. Gérard, je crois qu'on va te laisser tout seul avec Elisabeth et tu vas faire tes petites affaires. Ouais, mais je sais pas, parce qu'Elisabeth, elle a l'air d'être chaude. Eh ben justement, non, mais t'as besoin. Donc on va te laisser, tu vas discuter tranquillement avec elle. Oui, oui, oui. Ouais, elle demande que ça. Ouais, vas-y, Elisabeth, je t'écoute. Alors, est-ce que tu vas me mettre ton gros aiguillage? Tu vas sortir ta casquette de chef de gare. Ouais. Puis tu vas siffler dans ton sifflet. Ouais. C'est plutôt moi qui vais siffler dans ton sifflet. Ah bah, comme tu veux, ma chérie. Ma chérie, on ne te connaît pas encore. Ah bah. Moi, je te dis, ma chérie, moi, je te prends quand tu veux, où mais tu quand veux. Quand tu veux, Gérard, qu'est-ce que tu me feras? Bah, dans ce cas-là, tu viens à la radio, moi, je fais du skate. Non, j'ai envie de fantasmer avant, qu'est-ce que tu me feras? Tu veux fantasmer? Bah, dans ce cas-là, je fais du skate, je peux venir quand tu veux. Du skate, je n'appellerai pas. Non, mais moi, je te prends quand tu veux, ma chérie. Mais alors, dis-moi ce que tu me feras. Non, bah, moi, je te prends. Déjà, oui, non, je te déshabille. Ah, non, mais moi, je te prends. Oui, je te prends sur mes genoux. Oui. Je te fais un cunnilingus. Un cunnilingus. Ouais. Après, je t'embrasse dans le creux de l'oreille. Oh, et qu'est-ce que tu me diras? Tu me diras des mots doux? Oui. Tu me diras un poème? Oui. Tu me fais un poème? Pas ce soir. Bah pourquoi? Moi, je te fais un cunnilingus dans l'oreille. Tu me fais un cunnilingus dans l'oreille, mon Dieu. Et après? Et après, ben, après je descends tout doucement. Oui. Sur tes deux seins. Oui, et qu'est-ce que tu leur fais? Je te chatouille en même temps. Oui, tu me chatouilles où? Les doigts de pied. Mm-hmm. Sachez que les nanas adorent qu'on leur chatouille les pieds. Mm-hmm. Surtout quand pour la première fois, l'acte sexuel. Ah oui, c'est très agréable. Et après? Et après, je descends gentiment sur ton ventre. Sur mon ventre, et qu'est-ce que tu lui fais? Je te fais des bisous partout, partout. Descends. Dis, fais-moi-le. L'amour est un long fleuve tranquille. Et je vais te dire une chose, que l'amour, le jour où je trouverai mon amour, je te ferai un... Est-ce que t'adores? Ben, dis-moi. Ben, attends. Non, je te ferai pas ça. Non, je te prends le vrai. Après, t'as déjà essayé? Non, jamais. Ah bon? Ah non. C'est sympa d'être pris dans l'œuvrette. Ah bah, je sais pas, moi je connais pas. En plus, tu vois ton partenaire et tu le vois jouir, c'est sympa. Bah oui, mais moi, c'est ce que j'attends de trouver quelqu'un qui puisse... T'attends de trouver ta charentaise pour la prendre dans l'œuvrette? Voilà. Et j'arrive pas à la trouver, ma charentaise. Ah. C'est bête, hein? Bah oui, c'est bête. Donc, mais pourquoi tu la trouves pas? Bah, je sais pas. Ça fait plusieurs fois que je lance des appels et... T'es trop timide? C'est pas que je suis timide, c'est que, apparemment, tout le monde a l'air de vouloir jouer avec moi. Serais-tu laid? Es-tu laid? Laissez un peu le standard libre pour parler d'autres choses. Ne demandez pas toujours les mêmes. Ça ne servira à rien. Tu peux traduire, hein? J'ai pas tout compris, là. Non, mais ça veut dire qu'il faut qu'ils arrêtent de me demander sans arrêt. Parce que toujours, Gérard, on c'est veut Gérard. Fond, hein. Oui, mais Gérard, c'est bien beau, mais et Gérard, il en a marre à part ça. T'as les soquettes trop petites à force d'avoir les chics qui courent. Enfin. Ah bah oui. Donc, tu me laisses finir, Elisabeth? Reprends-le depuis le début, là. Excuse-moi. Reprends-le depuis le début. À tous les auditeurs, auditrices, arrêtez de me demander toutes les nuits. Surtout, ne téléphonez pas au standard ou même sur Minitel. Pour avoir des remix, vous les aurez pas. Donc, non. Ce soir, allez, je vais être gentil avec tout le monde. Je vais être gentil parce que c'est les vacances. Normalement, j'avais prévu de passer Phil Collins. Non, mais finis ton débat. Donc, ça y est, le débat maintenant. Ton poème. Non, mais c'est bon, le poème, il est clos. Donc, maintenant, la surprise. Donc, la surprise pour ceux qui l'attendaient depuis longtemps et qui me l'ont demandé hier au téléphone. Je serai à Cannes du. Je peux avoir les dates, Florence, s'il te plaît. 10 au 14. Du 10 au 14 mai. Donc, ça marqué sur vos tablettes. Et voilà. Donc Gérard sera avec nous sur le bateau, il fera les libres antennes avec. Petit écho dans le casque, on comprend pas, donc ce qui fait qu'il bafouille. Moi je parle très bien, regarde, je bafouille pas. Oui. Ah là ça va mieux. Non, c'est... c'est grave ce mec. Pareil. Non mais t'entends rien, mais moi ça va, je parle bien, regarde, est-ce que je bafouille? Non mais moi j'ai 2 ans, j'ai 2 voix. mais non, t'as pas de voix, Gérard, c'est bien. La soirée vous aura plu. Malgré les échos. Donc 0803 08 Seine et Max. Gérard, il y a un problème technique. Tu recommences, tu nous donnes les numéros de téléphone, le rendez-vous, et tu dis que tu retrouves Max, Brainwasher et Orphée à la locomotive. On commence à la radio là, en ce moment, on n'est pas en direct. Alors... Il y a un problème technique. Donc tu recommences, on fait l'annonce, tu redonnes les numéros de téléphone pour les places pour la loco. Avec... Non, on va être en direct dans 5 secondes. Attends. Tu tiens prêt, hein. Vas-y. Donc, si vous voulez retrouver des places pour la loco, vous appelez au 0803-08-5000 ou 0870-5000. Pour les Belges, 00-331-47-79-5000. Alors, les invités sont Max, Benoît Schuer et Orphée. Attends, ça passe pas, Max me fait signe, ça passe pas, il va falloir que tu recommences. Bah ouais, mais. Non, mais une dernière pareil, fois, là. Non, vas-y, trois secondes. Le numéro de Benoît Schuer, Orphée et Jean. Max, bonne nuit à tous. Yannick pour les nuits sans pub. Lorenzo, 6h-9h, après l'équipe de habituelle. 8h,